Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Rock Hudson, l'homme qui brisa l'omerta, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Benjamin Habitant. La fiction d'aujourd'hui raconte l'histoire de Rock Hudson, acteur qui enchaîna des années 60 jusqu'aux années 80 des rôles de plus en plus importants à Hollywood, jusqu'à jouer avec John Wayne et être dirigé par Howard Hawks. Dans les années 70, ses rôles au cinéma se font plus rares et l'acteur migre alors vers le petit écran à travers des séries ou des téléfilms. Rock Hudson tourne son dernier film, L'Ambassadeur, en 1984 aux côtés de Robert Mitchum. À l'été 85, il bouleverse tout Hollywood. Il est l'une des premières personnalités à dévoiler qu'il est atteint du sida et au passage, il révèle son homosexualité au grand public. Il devient ainsi le symbole du courage, oui, ce courage qu'il opposera à cette Amérique bien pensante qui considère avoir été trahi. Passé le choc de ses révélations, ses amis comme Liz Taylor ou Madonna le soutiennent. Cette dernière envoie à son béguin d'enfance des prières et de l'amour. L'acteur meurt quelques mois plus tard, le 2 octobre 1985. Pour comprendre le cauchemar que le sida représentait dans ces années 80 et même dans les années 90, pour comprendre aussi le courage de ces hommes qui ont révélé leur maladie et leur homosexualité dans une société à l'époque incapable de l'accepter, nous recevrons après la fiction Jeanine Pierret, sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS, sociologue de la santé, de la médecine et de la maladie, dont le sida, depuis 1984. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Rock Hudson, l'homme qui brisa l'omerta. De Clara Serre et Zoé Gabillet. 14 mois. Ou peut-être plus. Qui sait depuis combien de temps je vis avec cette saloperie dans mon corps. La maladie ne me laisse plus aucun répit. Et dire que tout aurait pu se dérouler à merveille pour moi, Roy Scherrer. Mon rôle avait été écrit sur mesure. J'allais devenir Rock Hudson. Les studios avaient pensé à tout pour faire de l'acteur que j'étais le tombeur de ces dames. Ils avaient pensé à tout, sauf à ce virus. Ce grain de sable qui s'est mis dans la machine bien huilée d'Hollywood. J'ai toujours voulu croire que j'étais un homme comme les autres, sans vouloir accepter que j'étais différent. Voilà que le sida me confronte aujourd'hui à une réalité que j'ai préféré nier depuis tant d'années. Et dire qu'il y a 14 mois, quand ce cauchemar a commencé, j'ai cru que ma vie pourrait continuer comme avant. Monsieur Hudson, bonjour. Je suis le docteur O'Neill. Entrez, je vous en prie. Bonjour, docteur. Installez-vous. Attendez, je vais baisser le store. Le soleil tape fort. Merci. Le docteur Cooper n'est pas là? C'est lui-même qui m'a demandé de vous recevoir. Je n'irai pas par quatre chemins, monsieur Hudson. Vos analyses ne sont pas bonnes. Comment ça, pas bonnes? Avez-vous entendu parler du syndrome d'immunodéficience acquise? Vous parlez du sida, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce que j'ai. Disons que vos examens sanguins ont révélé la présence du virus dans votre corps. Vous êtes pour le moment séropositif, c'est-à-dire que la maladie est en vous, mais elle ne s'est pas encore déclarée. Ok. On ne connaît pas bien la durée de la période d'incubation. Alors je n'en ai plus pour très longtemps? Personne ne peut le dire. On ne sait pas quand les premiers symptômes peuvent apparaître. Dans un mois, dans deux ans. Il n'y a aucune certitude. Je vais avoir besoin de savoir le maximum de choses pour pouvoir vous soigner correctement. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Combien de partenaires sexuels avez-vous eu au cours des 12 derniers mois? Ça ne regarde que moi. Écoutez, monsieur Hudson, je suis médecin, pas confesseur. Je sais que vous êtes homosexuel et je ne suis pas là pour vous juger. Vous pouvez parler sans crainte, je suis tenu par le secret médical. J'ai des aventures, comme tout le monde. Pas plus ou pas moins qu'un autre. Il faut que vous compreniez qu'il est important de bien identifier toutes les personnes avec qui vous avez eu des relations. Elles doivent se faire dépister de toute urgence, afin de ne pas contaminer d'autres personnes à leur tour. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, tous les homos de Hollywood vivent dans la peur de choper cette saloperie. Ils n'ont pas besoin que je les appelle pour se faire tester. La maladie se répand à New York et sur la côte ouest comme une traînée de poudre. Je reçois des dizaines de malades tous les jours dans ce bureau. J'imagine le choc que vous éprouvez, mais vous ne devez pas avoir honte. Dans mon métier, ça fait longtemps que j'ai appris à composer. Je saurais très bien vivre avec ça. J'en fais mon affaire. Ça ne va pas être évident. On n'est plus à un mensonge près. Je suis un pur produit des studios. Je représente le gendre idéal, la sexualité rassurante, le bon séducteur tranquille. Rien de ce qui touche à ma vie privée ne doit filtrer. À Hollywood, la réalité est secondaire. Ne faites pas face tout seul, monsieur Hudson. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous ne pourrez pas garder cette maladie secrète très longtemps. Les symptômes seront rapidement visibles. C'est pour ça que vous devez accepter ce qui vous arrive, afin que nous puissions vous apporter les soins nécessaires. Je sais ce que je fais. Quand la maladie va se déclarer, elle va s'attaquer à votre système immunitaire. Vous allez perdre beaucoup de poids très rapidement. Vous devrez faire face à un état de fatigue généralisé, et votre organisme affaibli sera mis en danger par la moindre infection. Vous devez dès maintenant prendre des dispositions. Je ne peux pas lever le pied. J'ai des engagements sur plusieurs tournages dans les mois qui viennent. Je vous parle de votre santé et vous me parlez de votre travail. Le cinéma, ce n'est pas seulement mon travail. C'est ma vie. J'ai tout construit autour de ça, j'ai tout sacrifié pour lui. Je ne veux pas que tout s'effondre à cause de cette foutue maladie. Prenez un peu de temps pour digérer la nouvelle et ensuite vous verrez ce que vous voulez faire. Vous avez vu tous ces anonymes qui tentent d'attirer l'attention sur ce qui se passe? Vous avez vu comment on les traite? On les traîne dans la boue. On parle de cancer gay, comme si les homos l'avaient bien cherché. Si on apprend que je suis malade, la presse va se déchaîner, j'aurai tous les charognards du pays sur le dos. La carrière que j'ai mis plus de 30 ans à construire sera foutue, avec un seul de ces gros titres. Rien ne vous oblige à rentrer dans les détails, mais sachez que votre maladie se lira bientôt sur votre visage. En prévenant vos partenaires et en prenant vos précautions, vous pouvez faire un geste pour enrayer l'épidémie, même un tout petit peu. Le premier de mes amants à qui je le dirai s'empressera d'aller baver dans la presse à scandale. Non seulement vous m'annoncez que je vais mourir, mais en plus que je dois faire une croix sur ma sexualité. Je comprends que la situation est effrayante. Je comprends surtout qu'il n'y a plus d'espoir. Ne dites pas ça. Vous devez vous battre. C'est ce que font les chercheurs aujourd'hui. Ils travaillent nuit et jour pour trouver un remède et stopper le virus. En France, ils sont très à la pointe. À Paris, ils ont mis au point un nouveau traitement appelé HPA-23. Et ce nouveau protocole semble donner de bons résultats. Je ne crois pas au miracle. Moi non plus. Mais je crois en la science. Paris. Je suis arrivé au Ritz, où je me suis effondré. Et me voici dans cet hôpital. Je n'ai rien vu de la ville lumière que les gyrophares de l'ambulance et les néons de cette chambre sordide. Mais c'est le prix à payer pour obtenir le traitement de la dernière chance. Ils sont tous là, en bas, à attendre comme des vautours. Tous ces journalistes savent que je me meurs. Mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent savoir de quoi. Mais finalement, je ne peux m'en prendre qu'à moi. N'est-ce pas ma vanité qui a déclenché tout ça? Je cherchais encore la lumière des projecteurs, sentir le regard de la caméra sur moi. Ou est-ce simplement la faute à l'amitié? J'ai voulu revoir Doris, mon amie, ma partenaire de jeu. Nous étions Doris Day et Rock Hudson, après tout. Mais dans cet élan, j'ai oublié que je n'étais plus moi-même depuis longtemps déjà. J'ai refusé de voir que la mort se lisait sur mon visage. Il y a une semaine, quand j'ai décidé de participer à cette émission, je me suis jeté tout seul dans la fosse aux lions. Madonna, elle au moins elle a pas froid aux yeux. J'adore. C'est osé mais ça marche. Elle parle de sexe et elle y va franchement. Peut-être Madonna qui va faire changer les mentalités après tout. Peut-être pas les changer mais en tout cas bien les bousculer. À mon époque ça aurait été impensable. Les temps changent mon vieux. J'ai débuté dans la bonne société Wasp, arrosée au Coca-Cola. Et aujourd'hui on parle de cul, de fric et de défonce. Bienvenue dans les années 80. C'est sûr que je vois pas Doris Day chanter la cover Jean avec un crucifix géant autour du cou. Autre temps, autre mœurs. Elle a beaucoup plus de fantaisie que tu ne le penses. Ouais, j'imagine. Tu es jaloux, en fait, Bob. Pas du tout. Alors franchement, moi, jaloux d'une petite poupée blonde qui a l'air continuellement de bonne humeur, tout ce que je déteste. Tu n'as jamais aimé Doris. C'est la personne que tu deviens quand tu es avec elle que je n'aime pas. Je peux pas supporter votre petit jeu. Mais de quoi tu parles ? Éteins-moi cette radio, ça commence à me casser les oreilles. Tu sais très bien. Vous avez fait votre carrière pendant des années sur cette image du couple parfait. On n'est pas les seuls. Il y en a eu d'autres. Regarde Bacall et Bogart. Oh, comment, Brock ? Lorraine Bacall et Humphrey Bogart formaient un couple à l'écran comme à la ville. Ils étaient mariés, ils s'aimaient. Toi, t'es homo. T'as jamais embrassé Doris en dehors d'un plateau. Mais il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Des fois, j'ai l'impression qu'à certains moments, tu y crois presque toi-même à cette histoire. Tiens, passe-moi le briquet et une cigarette. Toi, tu n'y crois peut-être pas, mais ça a fonctionné sur des millions de gens. Doris et moi sommes l'Amérique. Tout ça n'est que du vernis. Même votre amitié. Tu lui as dit que t'étais malade ? Hein ? Elle le sait ? Je n'ai pas besoin de le crier sur tous les toits. C'est pas le crier sur tous les toits, comme tu dis, que de se confier à une amie. Ma santé ne regarde que moi. Mais bon sang, Rock. Ça fait 10 ans que vous ne vous êtes pas vu, t'aurais pu la prévenir. Regarde-toi. T'es maigre, comme un clou. Je vais bien. Tu as vu le docteur O'Neill récemment ? Mais oui, j'y vais toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Rien, ça va passer. C'est un coup de fatigue. Cette émission de télé dans la propriété de Doris, c'est pas une bonne idée. Tout ça en plus pour parler de ses canassons et de chiens abandonnés. Franchement, ça vole pas haut. Est-ce que tu peux être mauvais parfois ? Tu veux vraiment t'exposer comme ça ? Les gens vont commencer à jaser, tu sais. Oh, tu m'écoutes, là ? Oui, je t'écoute, Bob. Doris m'a invité, je ne peux pas lui faire faux bond. Elle compte sur moi. Tiens, c'est ici, sur la gauche. Okay. Garde-toi là. C'est quoi tout ce bordel, là ? Ce camion électrogène et tous ces techniciens ? C'est un plateau télé, Bob. Relax. Mais je croyais que c'était juste un entretien intimiste. Ton agent et Doris disaient que c'était une petite émission sous les câbles. Tiens, regarde. Voilà Doris. Ah, Bob ! On vous attendait ! Alors, vous avez trouvé facilement ? Bonjour. Sans problème. Et puis tout le monde te connaît, Carmel. Tu te souviens de Bob ? Bien sûr. C'est un plaisir de vous revoir, Bob. Plaisir partagé, chère Doris. Tu n'as pas changé, Doris. Le temps n'a pas de prise sur toi. Tu parles. Si seulement. Comme je suis heureuse de te voir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu sais comme cette émission me tient à cœur. Voyons, Doris, je ne pouvais pas manquer une émission appelée Doris's Best Friends. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais Rock Darling, ne perdons pas de temps, il t'attend au maquillage. Il y a une table de régie dans ta loge, serre-toi. Il y a des bagels, des beignets, tout ce que tu aimes. C'est adorable, merci. Mais tu sais, en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Je vous retrouve dès qu'on m'aura refait le portrait. Hé hey Bob, sois gentil avec Doris. Évidemment, Rock. Tenez, prenez un verre de limonade. Vous devez avoir soif ? Merci, Doris. Bob, qu'est-ce qui se passe ? Il est d'une maigreur effrayante. Oui, il a perdu quelques kilos, c'est vrai. Miss Dale, s'il vous plaît. Excusez-moi, Bob. 5 minutes, je viens de vous dire. Et commencez les essais lumière sans moi. Il est malade? Il a un cancer, c'est ça? Non, non, il est juste un peu fatigué. Vous connaissez Rock mieux que personne, Doris. Vous savez qu'il aime bien tirer sur la corde. Il est méconnaissable. Il a l'air épuisé. Mais cette propriété est magnifique. Doris, vous avez toujours eu beaucoup de goût. Si ma mère, qui n'est plus de ce monde, voyait votre jardin, elle serait en extase. Écoutez, Bob, ne faites pas semblant et n'essayez pas de changer de sujet. Vous m'inquiétez encore plus. Pour la dernière fois, que se passe-t-il avec Rock? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, il va avoir besoin de ses amis. Bien. Vous savez, Doris, ce que vous pensiez à lui pour cette émission l'a beaucoup touché. Ça s'imposait? Il m'a tellement manqué pendant toutes ces années. Alors, les amis? Oh, Rock, ça y est, tu es prêt? Rock, tu es sublime. Et ça, Bob, fous-toi de moi. Mais Doris, maintenant, je suis tout à toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Sois toi-même, simplement. C'est comme ça que tu es le meilleur. Parfait. Je devrais pouvoir m'en sortir. Viens, donne-moi ton bras. Je vais te montrer par où on va commencer. Je vais récupérer mes cigarettes dans la voiture et je vous retrouve. Est-ce que je suis heureux d'être là, Doris? Rock, tu n'es pas obligé de faire l'émission. On peut tout arrêter. C'est pas grave, tu sais. Mais non, bien sûr que non. Pourquoi tu me dis ça? Parce que... je sais pas... Tu trembles. Tu sembles très fatigué. Et je ne veux pas que tu te forces, voilà. J'ai peur qu'après l'émission, on commence à parler dans ton dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais comment sont les gens. Tu peux rester ici juste pour te reposer quelque temps. La maison est grande. Et je m'occuperai de toi. Tout va bien, Doris. Tu te fais toujours beaucoup trop de soucis pour les autres. Pas un bruit. Même le vacarme des moteurs n'arrive pas à couvrir ce silence de plomb. L'avion est vide. Il devrait contenir environ 200 personnes et je suis le seul passager. Avant, je ne pouvais pas me déplacer sans une horde d'admirateurs. Et voilà que je suis devenu un pestiféré. Quelle ironie. Obligé de voyager en quarantaine. Yanou, ma fidèle attachée de presse, a tout dit. À quoi bon lutter? Le masque est tombé. Les médecins français m'ont annoncé qu'ils ne pouvaient rien faire. Moi, Rock Hudson, l'homo dans le placard, je meurs du sida. À Paris, ils ont vidé la maternité de l'hôpital américain et refusé de m'embarquer dans un long courrier pour Los Angeles. 250 000 dollars plus tard, et après que Yanou a remué ses terres, me voilà dans ce Boeing affrété spécialement pour moi, en route pour la maison. J'aimerais presque que tout s'arrête maintenant. Ici, dans les airs, au-dessus de l'Atlantique. Car là-bas, ils m'attendent déjà au pied de l'avion. Je suis maintenant celui qu'on pointe du doigt. Le salaud qui a contaminé le tout Hollywood. Alors, Scorpion. Rock, tu m'écoutes? Scorpion, c'est toi? Oui, oui, je sais bien. Scorpion, donc. Humeur. Ce 19 septembre, vous semblez dynamique pour entreprendre plein de choses. En fin de journée, votre grande motivation fait place à un peu de paresse. Vous vous octroyez le droit de ne rien faire ou d'en faire peu. C'est vous qui voyez. C'est tout vu. Je vais rester au lit pour aujourd'hui. Attends, attends, c'est pas fini, amour. Les échanges variés et divers sont à l'honneur aujourd'hui. Vous avez besoin de vous changer les idées, de voir de nouvelles têtes, de découvrir de nouveaux lieux. C'est la journée des rencontres, l'amour est au rendez-vous. Profitez-en. Oh, mais serait-ce déjà l'amour qui frappe à la porte? Ouvre, s'il te plaît. Le docteur O'Neill vient d'arriver. Oui, oui, faites-le entrer, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur. Alors, Rock, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va mieux qu'hier. Tenez, prenez ma place, vous serez mieux. Merci. J'ai l'impression que la fièvre est descendue depuis ce matin. Vous avez bien dormi ? Avec tous les médicaments que vous me donnez, j'ai du mal à distinguer le jour de la nuit. C'est à cause de la morphine. Vous avez pu manger un peu ? Il n'a rien avalé depuis hier midi. Pourtant, Miss Miller lui a préparé une délicieuse compote. Même pour lui faire boire un peu d'eau, c'est la croix et la bannière. C'est vrai que je ne fais aucun effort. Donnez-moi un whisky et on verra peut-être ce que je peux faire. Vous devez boire, Rock, c'est important. En attendant, Miss Miller va changer votre perfusion. Il faut que vous restiez hydraté. Tout de suite, docteur. Excusez-moi, Bob. Vas-y, je vous en prie. Voilà, comme ça. Je ne vous fais pas mal, Monsieur Hudson ? Vous pouvez y aller, je ne sens plus mes bras de toute façon. Tenez, Bob, vous pouvez me tenir cette compresse le temps que je prenne la nouvelle poche ? Merci. Bien, Miss Miller, tout ce que vous voudrez. La dernière fois que j'ai joué au docteur, ce n'est pas l'infirmière qui me donnait des ordres. Excusez-le, il ne sait pas se tenir. Quand vous riez, Rock, c'est que vous n'êtes pas si mal. Et c'est le médecin qui parle. En tout cas, vous pouvez être fier. On ne parle que de vous dans les journaux. Pour raconter encore des horreurs sur mon compte. Et quand je pense à cette pétasse de Linda Evans... Tu vas pas recommencer avec elle. Cette hystérique qui raconte que tu aurais pu la contaminer en l'embrassant dans le dernier épisode de Dynasty. Mais quelle idiote! Ne faites pas attention, docteur. Quand Bob a quelqu'un dans le nez, on en entend parler pendant un moment. Et c'est plus fort que moi. Je n'ai aucune tolérance face à la connerie des gens. Ils ont peur, Bob. Et souvent, face à la peur, la bêtise prend le dessus. Et peut-être. Mais je ne peux pas les excuser lorsque je les entends dire que le sida se transmet par la salive ou les larmes. Mais ils n'ont rien compris. En effet, ils connaissent rien au sida. C'est une maladie qui cristallise tous les fantasmes, même les plus stupides. À Paris, les infirmières n'osaient même pas apporter le plateau repas dans ma chambre. Elles le laissaient devant ma porte. C'est mon amie Yannou qui me faisait manger. Heureusement qu'elle était là. Mais vous vous rendez compte, Doc, que cette psychose a même atteint les studios de cinéma et de télévision ? Ils en sont aujourd'hui à plancher sur les scripts pour éliminer les scènes d'embrassade. Les acteurs vont jusqu'à demander d'enlever les baisers bouche ouverte. Mais quelle hypocrisie ! Moi, si j'avais été acteur, c'est ce que j'aurais aimé faire. Des baisers bouche ouverte et avec la langue, tant qu'on y est. Ah oui, j'aurais aimé t'y voir. Laissez tomber ces histoires, il y a des choses plus importantes. Vous savez que l'administration Reagan vient de débloquer 500 000 dollars pour la recherche contre le sida ? Quand on pense que j'ai dû débourser 250 000 dollars juste pour être rapatrié, quel argent jeté par les fenêtres ! Vous avez mis un coup de projecteur sur la maladie, Rock. Plus rien ne sera comme avant. Je n'ai rien fait. Ce sont ces chiens de journalistes qui ont fouillé la merde. Vous avez été courageux de dire la vérité. Tant de gens meurent dans le silence et dans la honte. Vous avez brisé un tabou. Le sida n'est pas juste la maladie des gays, comme veulent nous le faire croire tous ces connards du Vatican. Eh oui, que veux-tu ? C'est comme ça avec eux. Le pardon pour tous, sauf pour ceux qui marchent en dehors des clous. Et ben moi, je reste en dehors des clous. Coûte que coûte, avec fierté et tête haute. En tout cas, Bob a raison. C'est une épidémie mondiale à laquelle il va falloir faire face. C'est pour ça que nous devons faire bouger les mentalités pour que la recherche avance. C'est capital. Ce que tu as fait est essentiel, Rock. Il faut que les gens sachent que cela peut arriver à n'importe qui. Qu'ils se protègent quoi qu'il arrive. La peur a changé de nature. Avant, on avait peur de sortir du placard. Et maintenant, on a peur de mourir parce qu'on aime. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le choix de la vie. Si vous le dites. Vous êtes le malade du sida le plus célèbre au monde. Votre voix compte. Quelle voix ? La mienne n'existe plus. Ne dites pas ça. Attendez, quelle heure est-il ? Presque 21h. Burt Lancaster va bientôt lire ton message au galet de charité. Passez-moi la télécommande, Miss Miller, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Je vais tourner l'écran vers vous, Monsieur Hudson. Vous verrez mieux. Merci, très cher. C'est le gala de l'âme phare, c'est ça ? Oui. Mon amie Elizabeth Taylor m'a demandé de m'exprimer. J'ai écrit hier un mot, et Burt m'a gentiment proposé de le lire ce soir. Ils sont formidables. L'association a déjà récolté pas mal d'argent ces derniers mois. Et puis Miss Taylor, quelle énergie, quelle femme. Juste attends. On a presque failli le louper. Tenez, voilà, c'est à lui. Oh. Il est beau, hein ? Il en jette ? Voici un mot que mon ami Rock Hudson m'a chargé de vous lire. Il ne peut pas être parmi nous ce soir à cause de son état de santé. Mais voilà son message. Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida. Mais si ma maladie peut aider d'autres personnes, je peux savoir au moins que mon propre malheur aura eu des aspects positifs. J'en ai la chair de poule. Regarde, Rock, tout le monde s'est levé dans la salle. Waouh ! Quel standing ovation ! C'est pas mieux qu'un Oscar ! Grâce à vous, nous sommes en train de remporter la bataille de l'opinion. Une victoire pour la cause. Et une défaite pour moi. Ne sois pas si négatif. Profite de ton heure de gloire. Tu parles. Éteins-moi ça, Bob. J'en ai assez entendu. Vous devez vous reposer, Rock. Vous voulez que je demande à Miss Miller de vous donner quelque chose pour dormir ? Ça ira. Je crois que le sommeil viendra tout seul ce soir. Si mes douleurs me laissent tranquille, je suis si fatigué. On reste à côté de toute façon, d'accord ? Oui. Mais laisse le rideau ouvert, s'il te plaît. Je vais regarder le jardin pour m'endormir. J'ai demandé aux copains qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on disperse mes cendres dans le Pacifique. J'ai beau être né dans une ferme de l'Illinois, j'ai toujours aimé l'océan. Son bruit et sa présence. Je me souviens de mes années en mer, dans la marine. Mes premiers voyages, mes premiers amants. Finalement, c'est là que tout a commencé. Une vie de cinéma, de gloire, mais aussi de secrets. J'aurais aimé qu'on se souvienne de moi pour mes films, mes rôles. Entre James Dean et Elizabeth Taylor, parlera-t-on de Rock Hudson ou de cet homo qui est mort du sida ? Je vais échapper au pire cauchemar de tout acteur. Finir au panthéon des ringards, pas pour la bonne raison, certes, mais c'est déjà ça de prix. Je n'ai jamais voulu être la voix de la cause gay. Mais peut-être que sans le vouloir, j'ai ouvert un nouveau chapitre. Ma dignité a été jetée en pâture aux médias. On m'a couvert de honte pour avoir eu l'audace d'aimer différemment. J'espère seulement que toute cette souffrance n'aura pas servi à rien. Que restera-t-il de Rock Hudson ? Que restera-t-il de Roy Scherer ? Rock Hudson, l'homme qui brisa l'omerta. De Clara Saer et Zoé Gabillet. Avec Rock Hudson, Benoît Guibert. Docteur O'Neill, Barthélémy Mary Jane. Bob, Guillaume Marquet. Doris Day, Elisabeth Mazef. Miss Miller, Lola Roskis Gingembre. Burt Lancaster, Jean-Pierre Calfon. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Benjamin Habitant. Oh. affaires sensibles, la fiction. Aux États-Unis, on parle d'épidémie du siècle, une nouvelle peste, dit-on en Allemagne. En France, on est moins alarmiste, sans pour autant sous-estimer les dangers d'une maladie encore très mal connue, le sida, autrement dit, syndrome de déficience immunitaire acquise. Ce mal peut provoquer la mort s'il n'est pas traité à temps. Depuis 2 ans, 541 décès aux USA et 15 en France. Alors, invité de ce journal en direct, le docteur Willy Rosenbaum. Docteur, vous soignez actuellement une quarantaine de personnes touchées par cette maladie qui se transmet donc apparemment par le sexe et par le sang. Alors docteur, on a beaucoup parlé d'une maladie des homosexuels. Semble-t-il, on a un peu exagéré. Absolument. C'est vrai que encore aujourd'hui, la population la plus touchée est la population homosexuelle en France et aux États-Unis. Cela dit, il est très vraisemblable qu'il existe un foyer africain identifié depuis plusieurs dizaines d'années qui est sans aucun doute la même maladie. Et là, il ne s'agit pas d'homosexuels. Par ailleurs, aux États-Unis, et en France également, on a identifié d'autres populations à risque, des Haïtiens, des toxicomanes, des hémophiles, des enfants qui sont nés de mères qui font partie de populations à risque, de mères qui étaient toxicomanes ou de mères qui vivaient avec des bisexuels. Mais quels sont les symptômes de cette maladie? Parce qu'il y a actuellement une inquiétude qui se propage. Oui, effectivement, il y a une grande inquiétude. Les symptômes, il y a deux expressions de la maladie. D'une part, des infections graves, répétées, qui surviennent lorsqu'il y a une diminution des défenses de l'organisme. Et puis par ailleurs, des tumeurs, qu'on appelle sarcome de Kaposi, qui sont des petites tumeurs cutanées. Mmh. Voilà les deux principales expressions de la maladie. Et les risques de mort alors? C'est vrai, c'est une maladie qui dans certains cas peut tuer. Mais c'est sûrement pas le plus grand nombre de cas. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Rock Hudson, l'homme qui brisa l'omerta. Notre invitée, Jeanine Piret, sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS, sociologue de la santé, de la médecine et de la maladie, dont le sida, depuis 1984. Bonjour Jeanine Piret. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS, sociologue de la santé, de la médecine et de la maladie, dont le sida, depuis 1984. Vous avez écrit ou participé à plusieurs ouvrages, Vivre avec le VIH, enquête de longue durée auprès des personnes infectées aux presses universitaires de France, collection Le lien social, c'était en 2006. Et puis avec Philippe Artière, Mémoire du sida, récit des personnes atteintes, chez Bayard en 2012. Je lirai d'ailleurs deux extraits de ce livre. Nous venons d'écouter la fiction sur Rock Hudson, qui fut l'un des premiers à Hollywood à révéler sa maladie et son homosexualité quelques jours avant sa mort. Et on a écouté cette archive du professeur Rosenbaum. Alors, faut bien la replacer dans le contexte. C'était en 1983, 2 ans après l'apparition de la maladie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que ce médecin disait à l'époque? Alors, il faut savoir déjà qu'à l'époque, il y avait quand même très très peu de cas de personnes atteintes. Et les premières personnes, on ne savait pas trop, parce que les symptômes étaient effectivement très divers. C'est pas complètement à côté de la plaque, ce qu'il raconte, en particulier les symptômes. À l'époque, on avait parlé des 4H, hémophiles, haïtiens, homosexuels. Bon, ce qui avait fait bondir la population de Haïti, parce qu'on la stigmatisait, on la désignait comme responsable. Ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'une autre personnalité du sida, est morte du sida, c'était Klaus Nomi. Klaus Nomi, absolument. Qui est mort à New York en 1983. Mais à l'époque, les médias étaient beaucoup moins mobilisés sur le problème de la maladie. Et Rock Hudson, justement, arrive dans une période où, dans un autre travail précédent sur la presse écrite et le sida, nous avions montré avec Claudine Ehrlich cette période que nous avions appelée l'emballement. Mmh. C'est-à-dire que 85, c'est parti dans tous les sens, sur le plan culturel, politique, économique. Et Rock Hudson est apparu dans ce contexte comme le premier visage du sida, d'après le titre de certains journaux de l'époque, le premier militant anti-sida malgré lui, enfin bon, voilà. Mais c'était une conjoncture très précise. C'était l'époque où on voyait dans les hôpitaux, il y avait des pancartes sur les portes, les infirmiers étaient habillés en scaphandrier, enfin c'était épouvantable, quoi. Absolument épouvantable. Alors, justement, dans ces années 80, pour comprendre ce que les gens atteints du sida ou révélés séropositifs ressentaient, il faut lire votre livre. Ce sont des témoignages, il y a notamment une partie témoignages. Celui que je vais lire remonte à 1985. Et donc, cet homme de 33 ans, anonyme, dit... On était en 1983. Je travaillais dans un bar homosexuel. J'avais entendu parler de ce genre de maladie, mais j'étais comme tous les Français à l'époque. C'était aux États-Unis que ça se passait. Quand je me suis retrouvé à la ENEC, un interne qui manifestement manquait de discernement et de psychologie, le premier jour que j'étais alité, avait déjà marqué SIDA au pied de mon lit. Je dois vous dire que c'était un choc. Et on l'imagine effectivement. Deuxième témoignage, un homme de 32 ans, nous sommes encore en 1985, et il dit « La maladie, je l'ai apprise à Londres. Je travaillais là-bas et je peux vous dire que j'ai entendu des horreurs. Alors je me suis dit, je ne voudrais jamais avoir cette maladie. Malheureusement, à la même époque, j'ai commencé à avoir un amaigrissement de 4, 6 kilos. Et j'avais également une plaque qui s'était formée ici, là, entre l'arcade sourcilière et les paupières, qui était une espèce de pellicule. Et aussi une candidose, du muguet sur la langue. Alors, je suis rentré à Paris parce que mon contrat se terminait à Londres. Et au mois de juillet 84, j'ai dû être hospitalisé pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Simplement une petite lésion à l'estomac. Et là, j'ai rencontré un docteur homosexuel qui m'a dit... Monsieur, vous êtes homosexuel, vous êtes très exposé parce que vous faites peut-être une tuberculose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sida? Parce qu'au mois de juillet, j'avais perdu 16 kilos. Alors, à l'époque, quand on annonçait à quelqu'un qu'il était séropositif, c'est la terre qui se dérobait sous les pieds. C'était une horreur. Les personnes que j'ai interviewées m'ont toutes pratiquement parlé de l'épée de Damoclès. Ouais. On avait l'épée de Damoclès, on ne savait pas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Je veux dire, les premiers, l'AZT est arrivé un tout petit peu plus tard, et encore, les personnes concernées étaient souvent réticentes à prendre de l'AZT. Il y avait des effets indésirables très forts, exactement, terribles. Il y avait des effets indésirables. En plus, la pathologie, il y avait aussi les sarcomes de Kaposi dont on a parlé, mais il y avait aussi la pneumocystose, qui était une maladie qui touchait les poumons, la toxoplasmose, et les... Personne devenait aveugle. Enfin bon, c'était très polymorphe. Enfin, il y avait beaucoup de manifestations, et ce qui rendait difficile, je pense, pour certaines personnes, de penser que ça pouvait être le sida. Voilà. Donc c'était complètement anxiogène, en fait. Et c'était anxiogène, et le contexte dans les milieux homosexuels surtout, peut-être un peu moins toxicomanes, parce que ils ont été concernés un tout petit peu plus tard. Les femmes également, beaucoup plus tard. Mais dans le milieu homosexuel, c'était extrêmement anxiogène. Et puis, il y avait des témoignages qui étaient anxiogènes, mais utiles. Ceux de Cyril Collard, notamment dans Les Nuits Fauves, Hervé Guibert aussi, Jacques Demy, Jean-Luc Lagarce, Bernard-Marie Coltès. C'était une parole utile et anxiogène. Et anxiogène. Mais utile. Absolument. Et forte. Dans votre livre, au-delà d'une enquête sociologique ou historique, vous avez tenté de rendre plus visible et intelligible des situations, on l'a vu, hein, des histoires particulières, des témoignages forts, évidents, car réels. Comment est venu ce projet de donner la parole? Parce que c'est important, justement. Oui, non, mais en tant que sociologue, j'ai toujours privilégié oui, c'est normal aussi, la relation, bien sûr. Et pas le quantitatif, mais plutôt le qualitatif. Et avant de travailler sur le sida, j'ai travaillé sur d'autres maladies où je pratiquais déjà le face-à-face et l'entretien. Voilà. Donc, mon premier livre sur le sida, en dehors de mes articles, qui s'appelle « Vivre avec le VIH », c'est en fait... les 180 interviews que j'ai réalisées entre 1990 et 2000 que j'ai mis bout à bout. Mais dans une perspective sociologique, c'est-à-dire que les personnes, elles disparaissent. Et je m'étais toujours dit, c'est pas possible, il faut que je donne la parole directement aux personnes que j'ai interviewées, parce que c'est une façon pour moi de leur rendre hommage, quoi. Voilà, parce que je savais que certaines n'étaient plus là, que d'autres étaient encore vivantes. Et je trouvais que c'était presque de mon devoir, entre guillemets, de sociologue, que de leur donner la parole directement et de pas me masquer comme je l'avais, enfin me masquer, c'était mon travail de sociologue, dans des articles académiques que personne ne lit, enfin bon, voilà. C'est une thérapie, la parole? C'était très très important pour les hommes et les femmes que j'ai interviewés. Parce qu'ils me disaient tous, vous n'avez pas peur? C'était la première chose qu'ils me demandaient, peur si de j'avais quoi peur. Ben, c'est ce que je leur répondais, voilà. Peur de quoi? Souvent, il y avait des interviews chez moi, ils me disaient, mais vous, que je vienne chez vous. Je lui dis, mais attendez, c'est pas marqué sur votre front. Ou quand j'allais chez eux, j'avais très bien compris, ou chez elles, j'avais très bien compris, ils m'offraient toujours un verre, un café, un verre d'eau. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était une façon de me tester, de savoir si je n'avais pas peur de boire dans bien un sûr verre chez eux. Bon, moi je disais toujours oui, mais j'avais pas compris le sens que ça avait pour eux. Et la communication pour eux était très importante parce que je n'étais, comme plusieurs personnes me l'ont dit, je n'étais pas médecin, je n'étais pas psychologue, et je pouvais porter une parole que eux ne pouvaient pas porter. Janine Pierret, on se retrouve dans 3 minutes hein, pour continuer de okay discuter de cette maladie qui et aussi des progrès qu'on a réalisés. À tout à l'heure. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Janine Pierret, concernant le sida, deux tabous se rencontraient et se conjuguaient. Il y avait l'homosexualité, à l'époque, et la mort. Et ça, c'est une dimension sociologique importante aussi. Oui, d'abord parce que quand le sida est arrivé en France, on n'avait aucun travail scientifique sur la sexualité. On ne connaissait rien de la sexualité des Français et des Françaises. Il y avait un vieux rapport Simon qui datait des années 70, mais c'est tout. Donc on était vraiment, on ne connaissait pas grand-chose non plus sur l'homosexualité. Il y avait très peu de travaux. Et puis, pas beaucoup non plus sur la mort. Donc, on s'est retrouvés, enfin, les différents chercheurs qui se sont investis sur cette thématique de recherche, confrontés à une multitude d'aspects qu'il a fallu défricher au fur et à mesure, quoi, en défrichant, en avançant. Et donc, on a oublié qu'il y avait aussi des hémophiles qui étaient infectés. Oui, bah oui, et qui ont été gravement infectés par le sang. On connaît l'affaire du sang contaminé. Les usagers de drogue qui ont été aussi infectés. Et puis, dès 1994, il y a eu les traitements pour les femmes enceintes. Mmh. Ce qui fait que les enfants de femmes infectées par le VIH ont pu naître non séropositif. Oui, alors, ce qui était important aussi, c'est qu'on est sorti de la ghettoisation de la maladie sur les homosexuels vers les hétérosexuels. Ça a été une évolution importante, ça. Absolument, mais même dans les statistiques, c'était épouvantable, hein, à l'époque, hein, parce qu'on mettait les vivants et les morts pour s'agrossir un peu les chiffres. Mais bon, c'était quand même très difficile pour les personnes qui vivaient avec le virus d'être comptées avec des morts. De même que pendant très très longtemps, les statisticiens, les épidémiologistes avaient du mal avec ça. On ne faisait pas la distinction entre les modes de contamination. Mmh. Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, par exemple, on savait qu'il y en avait beaucoup qui étaient infectés. Mais c'était difficile à faire passer comme message. On avait peur de la discrimination, on avait peur du rejet. Il y avait déjà du rejet, donc Donc pendant très longtemps, les personnes hétérosexuelles, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, même si aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, on avait une population très infectée, un petit peu sur le même modèle que l'Afrique. Tout ça a été mélangé pendant très longtemps, ce qui fait que du point de vue de l'efficacité des messages, de l'efficacité du dépistage et de la prévention, pendant longtemps, on a un petit peu pataugé. Oui. Enfin, je dis on, pas seulement les médecins aussi. Il faut se dire aussi aux auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas l'âge de se souvenir de ces années, quand la maladie est arrivée, il y a eu le sentiment de nouveaux fléaux, de nouvelles pestes, et parfois du côté des religieux, de punitions divines. Ça, c'était un traumatisme moral, y compris pour ceux qui n'étaient pas infectés. Mais absolument. Et puis, je veux dire, on a vu revenir des enfants dans les cours d'école qui jouaient à sida. Oui, je vois. C'est fou quand on y pense. Non, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'une maladie ait pris une telle place dans notre univers, dans notre univers mental, dans notre réalité aussi de tous les jours. C'était la première fois qu'une maladie avait été chargé d'autant de sens négatifs, envahissait notre univers. Et diabolique. Alors, tout cela, ouais. En 84, j'avais publié un livre avec Claudine Ehrlich qui s'appelait Maladie hier, malade d'aujourd'hui, où on montrait justement comment à chaque époque, il y avait une grande maladie qui avait dominé l'imaginaire collectif. Il y a eu la tuberculose, il y a eu la syphilis. Mais les années 50, c'était terminé. Même le cancer, on n'en parlait pas de cette façon-là. Oui. Et là, tout d'un coup, en 82-3, on voit surgir dans notre univers symbolique où on pensait que tout était réglé, que la médecine était toute puissante, qu'elle pouvait tout, une maladie qui confronte les médecins et les soignants à des personnes jeunes et qui les confronte à la mort. Mmh. Et dans les services, à l'époque, c'était très très difficile pour l'ensemble du personnel médical et paramédical. Et il y a eu des relations très fortes qui se sont nouées entre les personnels et ces malades. Alors aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Il y a eu la recherche d'un vaccin, évidemment. Vu que c'est un virus mutant, on s'est aperçu que c'était extrêmement difficile. Donc il y a eu une autre stratégie, la stratégie des thérapies, qui est venue en lieu et place d'une chimère, en fait. Parce que le vaccin, on courait après une chimère. C'était un choix efficace ? C'était un choix efficace, parce que les premiers traitements efficaces sont apparus en 96. Les antirétroviraux. Absolument. Alors à l'époque, c'était un petit peu lourd parce que il y avait 12, 14 comprimés par jour à prendre à des heures, etc. Dans les traitements antirétroviraux aujourd'hui, ça s'est beaucoup allégé. Les personnes peuvent vivre pas forcément avec un réveil qui sonne pour prendre le médicament. Donc c'est une ou deux pilules par jour avec des résultats qui sont spectaculaires, puisque parallèlement au traitement, on a, sur le plan biologique, fait des progrès avec la mesure de la charge virale. jusque-là, on s'occupait des cellules T4, qui étaient un indicateur. Oui. Et en 96, est apparue la charge virale, qui fait maintenant, aujourd'hui, les personnes qui sont traitées et qui prennent très bien leur traitement ont une charge virale indétectable, ce qui est à peu près le cas pour 70% des personnes infectées en France aujourd'hui. Donc, quand on a une charge virale indétectable, on peut avoir une vie sexuelle tout à fait confortable, sans risque de transmission du VIH au partenaire. Donc c'est donc, pas là, la fin du cauchemar, mais enfin, quel progrès. Là, on a... Vous vous rendez compte? Oui, mais je me rends compte. Je me rends compte. C'est quand même court. Et oui, c'est court. En fait, c'est fort et court. Et alors, j'en arrive à ma dernière question. Puisque le sida fait moins peur en relation avec ce que vous venez de dire, et qui est juste, est-ce que c'est pas une arme à double tranchant? Est-ce que ça n'encourage pas à baisser la garde en termes de prévention, hein? Je ne sais pas si ça baisse la garde, mais on plafonne en tout cas. On plafonne parce que depuis plusieurs années, le nombre de nouvelles contaminations par an est entre 6000 et 6400 personnes en France. On n'arrive pas à baisser le nombre. On a atteint une espèce de plancher. Voilà, hein. Une espèce de plancher, ce qui est quand même très dommageable, d'autant plus que dans ce chiffre de 6400, il y en a près de 20% qui découvrent qu'ils sont infectés dans un état très avancé de la maladie, c'est-à-dire qu'ils sont déjà malades. Ils ont déjà une charge virale très élevée, un nombre de T4 très bas, enfin bon. Donc, ça veut dire que ces personnes-là n'ont jamais fait de test de dépistage avant. Donc ça veut dire, en conclusion, qu'il ne faut pas baisser la garde et que tous les conseils donnés par toutes les opérations de sensibilisation restent absolument valables. C'est absolument. Ça, il faut, voilà. Donc ne pas baisser la garde. Merci, Janine Pierret. De rien. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Rock Hudson, l'homme qui brisa l'omerta. Une fiction écrite par Clara Serre et Zoé Gabillet, réalisée par Benjamin Habitant. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Tristan Gratalon et Antoine Teboul.